Vendredi à la vie en BD, une mise à jour autour du magazine Planche et une rencontre avec les auteurs de Saint-Malo, Joub et Nicobi autour d'une résidence de création à Québec. Bon vendredi à tous et à toutes. Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30. Toujours ce 60 minutes consacré au 9e art, consacré à la bande dessinée. Et ben, comme je l'ai mentionné d'entrée de jeu, ben, une belle émission pour vous cette semaine. En fin de parcours, ben, on aura l'occasion d'une longue discussion avec les auteurs Joub et Nicobi. Les auteurs qui sont illustrés, entre autres, sur les BD dans l'atelier de Fournier pour Joub sur la Révolution Pilote. Entre autres choses, une BD également consacrée au magazine Harakiri, Mes années chiantes et méchantes. Et donc, ce sera l'occasion pour nous de parler un peu avec ces auteurs de leur démarche en tant que documentariste en bande dessinée. C'est un sujet qu'on a déjà un peu abordé la semaine dernière lorsqu'on était en direct du Festival de la bande dessinée francophone de Québec, en direct du Salon du Livre avec Emmanuel Lepage, et qu'on avait envie de poursuivre un brin cette semaine et ben en faire en même temps de profiter de l'occasion qui nous était donnée la semaine dernière, puisque l'entrevue était préenregistrée, de les rencontrer en fin de résidence à Québec où ils étaient depuis déjà quelques jours, quelques semaines. Également, tout à l'heure, on va jaser avec Émilie Dagenais, magazine Planche dont on vous avait parlé l'an dernier, en fait, début octobre, fin septembre. Eh bien, il va bien depuis son lancement. Alors, on en profite pour faire une petite mise à jour sur le projet et de porter également un petit regard sur les numéros 2 et 3 qui sont maintenant disponibles en compagnie de l'une de ses fondatrices. Alors voilà pour l'émission de cette semaine. Sinon, dans l'actualité BD, tout d'abord, évidemment, on n'a pas pu en parler la semaine dernière puisque l'émission est enregistrée un peu plus tôt qu'à l'habitude. Alors, je me rattrape. Les récipiendaires 2015 des prix Bélis causant ont été remis, ont été dévoilés à l'occasion du Festival de la bande dessinée francophone de Québec. Verdict. Alors, le grand prix de la ville de Québec destiné au meilleur album de langue française publié au Québec a été donné à l'excellent Promise, tome 2, L'homme souffrance de Michael avec Thierry Lamy au scénario. Donc un album édité chez Glénat Québec. Le prix Albéric Bourgeois lui est remis au meilleur album de langue française publié à l'étranger par un auteur québécois, dessinateur ou coloriste a été donné à Julie Rochelot pour son dessin sur La colère de Fantômas, tome 2, Douleur de Paris chez Dargo. D'ailleurs, c'est la deuxième année de suite que Madame Rochelot reçoit justement ce prix, toujours pour la série Fantômas. Du côté du prix Réal Filion, qui est remis à un auteur québécois, scénariste ou dessinateur s'étant le plus illustré avec son premier album professionnel, eh bien, c'est Blanc qui l'a remporté pour son sympathique 23h72 chez Pawpaw. Enfin, les prix coup de cœur du jury. Côté prix album francophone publié à l'étranger, ben, c'est Blast, tome 4 de Manu Larsenet qui a remporté les honneurs. Et pour ce qui est du prix traduction, donc album publié en français issu d'une traduction, eh bien, c'est Antonio Altariba et Keiko qui ont obtenu le prix pour leur superbe Moi Assassin chez De Noël. Et enfin, le prix Albert Chartier a été remis à l'éditeur montréalais Drawn and Quarterly pour leur travail au fil des 25 dernières années, notamment dans la diffusion vers le public anglophone de bandes dessinées francophones. Autre nouvelle, petite mention, simplement fait un reportage que vous avez peut-être vu passer sur Radio-Canada. Les chiffres ont été publiés cette semaine par l'Observatoire de la culture et des communications du Québec en matière de vente de livres autour de l'année 2014, et c'est pas particulièrement rassurant. On parle des ventes totales de livres neufs qui ont chuté de 9,5% de 2013 à 2014. Les ventes annuelles les plus faibles, d'ailleurs, depuis 2001, première année où l'étude avait été menée par l'Observatoire. À ce rythme-là, donc, on estime que si la tendance se maintient, eh bien, les ventes annuelles pourraient passer sous la barre des 600 millions de dollars en 2015. Une chute brutale en raison, on dit, des chiffres surprenants qui ont été enregistrés en 2013, propulsés notamment par Fifty Shades of Grey. Alors, évidemment, évidemment, il s'agit, on le voit aussi avec le milieu de la BD, le Astérix qui avait été publié en 2013, ça rend plus difficile, si on peut dire, les analyses pour 2014. C'est la même chose pour le livre en général au Québec. Alors, chute importante et on verra si ça se maintient par la suite. On mentionne aussi dans l'étude que le livre numérique progresse très, très, très légèrement, le demeure encore, somme toute, plutôt marginal dans la sphère littéraire québécoise. Alors voilà pour ces petits notules d'actualité. En musique, cette semaine, la formation qui nous accompagne, ce sera OJJ avec leur album Planet Unknown. On écoute un premier extrait. Vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD sur les ondes du 89.1 CKRL. On écoutait donc un petit extrait de Portable Power, toujours donc dans ce schéma 8 bits qu'on vous propose assez régulièrement ici à l'émission. Et maintenant, au bout du fil, on a le plaisir d'être en compagnie d'une des fondatrices du magazine Planche, Émilie Dagenais. Bonjour. Allô. Alors, déjà, en fait, trois numéros derrière vous. J'imagine qu'on a pris un peu l'air d'aller du côté de l'équipe et du côté du magazine en général. Ben c'est clair qu'on continue de s'ajuster tout le temps là. Je pense juste à moi, juste l'exécutif, toujours en ajustement là pour comment est-ce qu'on roule ça, ce magazine-là. Là. Mais c'est sûr que du côté plus gestion des auteurs, je pense que ça va pas mal mieux qu'au début. Oui, parce qu'en même temps, c'est vraiment un apprentissage à différents degrés pour l'équipe du magazine, pour toi en fait, puis pour Sandra Vildar, dans la mesure où vous êtes lancé avec l'apprentissage du côté entrepreneurial. Vous n'étiez pas non plus dans le milieu de la bande dessinée quand vous êtes lancé, donc il y a aussi un apprentissage du médium, si on peut dire, ou de la gestion du médium. Ben oui, ben c'est comme tu le sais, nous autres, on s'est vraiment lancé dans ce projet-là, vraiment avec beaucoup de passion, là, mais vraiment avec peu de connaissances, puis en fait, c'est ça, là, c'est un peu notre défi de tout apprendre sur le tas. Puis c'est ça. On apprend. C'est vraiment... c'est constamment apprendre de nos erreurs. Quand il y a quelque chose qui pète, on le répare tout de suite puis on s'arrange avec. Mais en même temps, au niveau de la direction artistique, par exemple, du magazine, est-ce que justement le fait d'être un peu... quand on a commencé, du moins, d'avoir été extérieur au milieu, ça a donné peut-être un bonus, un plus à l'approche qu'on allait proposer en format magazine, en format revue? Oui, définitivement. C'est sûr que, bon, je suis un petit peu la moins bien placée dans l'équipe pour pas répondre à ça parce que c'est Sandra habituellement qui s'en occupe. Mais d'après ce que je peux voir, je sais pas, on arrive à avoir un certain recul. C'est pas nécessairement... On est devenu amis avec beaucoup d'auteurs, mais on a quand même une espèce de recul par rapport à tout ce qui est la production. Et aussi le fait qu'on n'est pas nous-mêmes des auteurs, on arrive quand même à avoir un certain regard différent qui peut être parfois utilisé par d'autres éditeurs. Donc c'est intéressant pour ça. Oui, parce qu'en même temps, ça restait un défi, j'imagine, dès le premier album, mais encore plus dans la continuité, dans la mesure où il fallait que la direction générale, la direction artistique du magazine soit assez solide pour que, d'un côté, les auteurs, qu'il y ait un petit quelque chose qui a une valeur au fait d'être publié chez vous, et de l'autre côté, pour le lecteur, qu'on y trouve notre compte aussi, et que ça soit quelque chose de différent de ce qu'on peut trouver ailleurs. Mm-hmm. Ça, on l'a beaucoup trouvé dans le fait qu'on a un comité éditorial. Comme, justement, c'était pas juste notre point de vue à moi et Sandra pour ce qui est du choix des auteurs. Puis en même temps aussi, tout ce qui est... Parce qu'on fait beaucoup de suivi avec eux, pour même ceux qu'on refuse, en fait, pour la revue. On va quand même leur donner des conseils puis tout ça, sur comment est-ce qu'ils pourraient améliorer le travail qu'ils nous ont envoyé. Puis le fait qu'on a eu vraiment beaucoup de regards extérieurs, ça... Ouais, ça, je sais pas, ça juste diversifie un petit peu qu'est-ce qu'on pouvait apporter, là. Et est-ce que, justement, il y a pas mal d'offres, il y a pas mal d'auteurs qui vous approchent? Ah oui, à chaque numéro, on a au moins une quarantaine. On en publie, tu sais, comme tu peux voir, peut-être quoi, une quinzaine, qui sont pas nécessairement des auteurs, des chroniques, qui sont déjà avec qui on a déjà des contrats. Là. Donc, ça montre bien que le milieu est prêt à s'approprier un peu la plateforme que vous leur avez créée, au bout du compte. Oui, bien, tu sais, en plus de ça, ben, on va en parler tantôt, là, mais les auteurs, justement, qui sont proposés comme collaborateurs pour les numéros 2 et 3, ça a beaucoup évolué, en fait. C'est devenu vraiment moitié-moitié auteur bien établi, puis auteur de la relève. Contrairement au premier, qui en avait quand même une bonne quantité des auteurs de la relève, je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs bien connus déjà qui se sont dit que c'était quand même peut-être un bon médium à utiliser. Oui, puis en même temps, il y a quelque chose dans la structure des chroniques où il y a une notion de synthèse, donc synthétiser en quoi, à peu près 2 planches, 3 planches, un sujet, une thématique, la vulgariser, c'est un exercice assez intéressant aussi. Oui, bien c'est ça, dans le fond, les chroniques, c'est ça, c'est toujours sur un sujet en particulier. C'est toujours intéressant de voir à chaque numéro comment est-ce que les auteurs, ils vont un petit peu modifier leur manière d'aborder leur sujet, parce qu'en fait, c'est des auteurs avec qui on a signé un contrat pour 4 numéros au moins. Donc, ces personnes-là se voient attribuer un sujet, en même temps, ils l'ont choisi beaucoup, sur lequel ils vont parler en bande dessinée. Ils vont faire une chronique de 2 pages. Puis, ça leur permet, en fait, de parler sur ce sujet-là. Comme là, mettons, dans le numéro 3, on a commencé avec Bach, une chronique féministe. Mm-hmm. Puis, c'est super intéressant parce que, ben nous, en fait, personnellement, moi et Sandra, c'est quand même un sujet qui nous touche énormément. Puis, on est quand même pas mal impliqués dans la cause. Mais elle a amené vraiment une manière de voir ça quand même vraiment différente de ce que nous, on aurait peut-être. Puis c'est super bien. Là, après, nous, on s'interpose pas nécessairement comme pour imposer une manière de voir un sujet ou quoi que ce soit. Donc, c'est super le fun de collaborer avec eux. Oui, dans le fond, l'idée, c'est plus de votre côté, pas d'imposer une ligne éditoriale, mais plutôt de s'assurer qu'il y a une cohérence, il y a une logique, dans un aspect intéressant, si on peut dire, dans la manière d'amener le sujet, de le présenter, de le mettre en BD. Oui, c'est ça. C'est en fait ça. D'un numéro à l'autre, on veut que... Mais nous autres, c'est clair qu'on veut, dans le fond, publier du bon stock. C'est toujours bien évident. Mais... c'est vraiment d'amener les sujets à être développés le plus possible là, au plein potentiel de leur capacité. Oui, puis ça permet aussi, j'imagine, en fait, l'idée, c'est de créer une récurrence d'un numéro à l'autre, surtout que au départ, on s'est pas dit, justement, on crée des séries un peu à la Spirou, justement, ou des personnages qui vont revenir à chaque numéro. Donc, c'est par les chroniques, justement, et par les auteurs réguliers du magazine que vous créez la cohérence, dans le fond, au fil de l'année, au fil des différents numéros. C'est ça. Vu qu'on est publié aux 3 mois, c'est un petit peu dur de publier le début d'une histoire puis la suite 3 mois plus tard. Fait que, ouais, c'est vraiment avec les chroniques qu'on fait ça. Puis non, c'est le fun. En plus, on en a ajouté aussi depuis le début. On en a peut-être ajouté 2. Puis, écoute, je dirais que, ouais, de numéro en numéro, ça augmente vraiment en qualité. Surtout de ce côté-là, là, c'est vraiment le fun à voir. Et est-ce que, justement, bon, tu dis, tu laisses un peu le libre choix éditorial sur la thématique qui est traitée? Est-ce qu'il y a quand même des propositions? Ou, de manière générale, pour les auteurs, comment ça se passe un peu, justement, les allers-retours quand on soumet, justement, un projet, vous décidez de le retenir? Donc, c'est quoi un peu la relation que vous entretenez avec votre auteur dans cette situation-là? Bien, c'est vraiment une quantité phénoménale de courriels, déjà. Mais après, écoute, c'est de toujours voir, dans le fond, des brouillons, des ajustements dans l'histoire. Moi, je sais que Sandra fait beaucoup de suggestions, surtout aux côtés du scénario, comment est-ce que l'histoire va être un petit peu développée. Donc, souvent, c'est vraiment très, très bien accepté. C'est sûr que des fois, il y a des auteurs qui vont nous arriver et nous dire « Non, moi, je fais pas ça. » Puis, j'ai passé l'âge de me faire dire quoi écrire dans mes BD. Puis, en même temps, c'est correct. Là, c'est leur choix. Mais nous, après, c'est vraiment important de pouvoir faire ça dans la revue. Oui, de faire une job d'éditeur, en fait, d'une certaine façon. Oui, oui, oui. C'est sûr que, je sais pas, peut-être qu'il y en a qui s'attendaient peut-être pas nécessairement à une rigueur comme celle-là pour une revue qui débutait de même. Mais pour nous, c'est vraiment important de pouvoir donner nos commentaires sur chaque œuvre qui nous est soumise tout le temps. Puis ça, mais dans le fond, il y a même des auteurs, en fait, surtout des jeunes, qui sont quand même vraiment contents d'avoir ces commentaires-là. Puis d'avoir une espèce de. Je pense qu'il y en a beaucoup qui considèrent qu'on prend soin d'eux en quelque sorte, là, parce que c'est pas nécessairement tout le monde qui va faire ça, là. C'est ce qui vient distinguer, dans le fond, justement, d'un contexte professionnel d'édition. Donc, il y a des revues comme la vôtre, il y a certains recueils comme Francfois qui a un gros accompagnement de ce côté-là, ce qui va distinguer peut-être du fanzine, justement, ou des autres, d'autres types de collectifs qui sont, justement, plus... qui ont un peu moins cette volonté-là d'approche éditoriale. Oui, bien, je pense que chacun a un petit peu sa mission. Francfois, puis nous, c'est un peu ça, dans le fond, c'est vraiment de développer la bande dessinée... au top de ce qu'elle peut être. Tandis que d'autres, justement, les fanzines, en fait, c'est peut-être pas leur but, c'est peut-être juste de plus proposer une liberté d'expression vraiment plus développée que nous, peut-être. Et dans cette dynamique-là, est-ce que les discussions sont assez chaudes, si on peut dire, au comité éditorial autour de certains projets ou... Ben sérieux, ouais, au comité éditorial. En fait, on fait vraiment ça condensé. C'est ce qu'on va faire, c'est on reçoit toutes les propositions, puis on va toutes les envoyer aux membres du comité. On se réunit à quelque part, puis on les regarde toutes une après l'autre, puis on les lit ensemble, puis on les a déjà lus avant aussi. Puis on passe tous nos commentaires là-dessus. Puis des fois, ça va arriver qu'on est vraiment... Il y a vraiment la moitié du comité qui n'est pas d'accord, puis que l'autre va l'être, puis c'est vraiment... Puis on s'astine, là. Ça dure peut-être 3-4 heures. On fait ça en une soirée, c'est fini. Après ça, Sandra s'en va avec toutes ses corrections, puis elle écrit aux auteurs dans la semaine qui suit pour leur dire qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent, si on est refusé ou non, puis ça. Et là, en fait, il y a 3 mois, évidemment, qui séparent chaque magazine. Donc, on est... en fait, j'imagine que le travail sur les magazines se chevauche. On commence un peu à l'avance le travail sur le numéro 4, alors que le numéro 3 est en train de finir sa route. Donc, il y a une dynamique... c'est un travail quand même assez constant, là. Oui, bien, nous autres, on a appris ça un petit peu à la dure, là, parce que le premier, ça nous a pris vraiment plus de temps que ce qu'on pensait. Fait qu'on a été obligés de un petit peu décaler toute notre production, mais en même temps, on a réussi à se rattraper pour le 3... On a vraiment scruisé la production du 3 puis le 4 ensemble. Comme là, je sais que Sandra, justement, elle a quasiment fini son quatrième. On continue de recevoir encore quelques corrections, des fois, des auteurs dans la boîte de courriel, là. Mais sinon, ça s'en vient, là. Après ça, on va commencer bientôt à travailler sur le 5 aussi. Fait que c'est vraiment une manière de jongler avec chaque numéro un à côté de l'autre en même temps, là. Oui, et jongler avec les numéros, avec le contenu éditorial, mais jongler aussi avec, évidemment, entre autres, le côté distribution. Dans la mesure où vous avez fait le choix de ne pas passer par les gros distributeurs, donc vous le faites vous-même, c'est libraire à libraire, là. C'est ça. Ça veut justement, je suis en train de faire ça pour le 3. Comme là, j'en envoie justement en région, comme à soir. Là, je vais aller porter ça sûrement avant d'aller me coucher. Puis, écoute, on s'organise avec ça. Comme je te disais, on est toujours en rodage. Comme là, justement, je me suis rendu compte récemment que la manière que je fonctionnais était peut-être pas nécessairement optimale. Là, je suis en train de vérifier tous mes trucs. Comment est-ce que je peux améliorer ça? Puis, en même temps, ma comptabilité, mes facturations. Donc, ouais, c'est pas mal d'affaires à faire. Oui, puis à travers ça, il y a quand même une belle réponse. Enfin, on le voit, entre autres, sur votre Facebook, de temps en temps, quelques photos de vitrines de libraires qui ont décidé de mettre le paquet pour aider à faire connaître le magazine aussi. Donc, il y a une belle réceptivité chez les marchands aussi, là. Ah oui, vraiment. En fait, pour le début, c'est sûr que j'ai eu à me battre dans certaines librairies pour qu'ils puissent le mettre juste sur leur tablette. Mais au final, ils sont vraiment contents et du suivi qu'on fait et de la réponse des lecteurs. Donc, c'est vraiment le fun aussi. C'est super gentil. Toutes les vitrines qu'ils nous font, là, c'est vraiment fin, là. Oui, parce qu'en même temps, j'imagine, et je me rapporte un peu à quand on avait parlé jadis du projet l'an dernier, où différentes entrevues aussi à gauche à droite, où vous disiez souvent, initialement, quand on approchait les gens, ils nous regardaient un peu avec l'air bizarre de, voyons, pourquoi, c'est quoi ce projet-là, vous êtes qui, etc. Puis finalement, le fait d'avoir justement vraiment pensé à la distribution, plan d'affaires, etc., que dès le départ, il y avait une volonté d'ancrer le projet dans du sérieux pour justement aller chercher à travers ce sérieux-là une crédibilité auprès des auteurs, auprès des distributeurs et évidemment de pouvoir aussi donner aux lecteurs l'impression que ça allait être quelque chose de solide dès le départ. Mm-hmm. Oui, bien écoute, oui, on a vraiment mis le paquet là-dessus. On a vraiment beaucoup aussi, je pense que pendant que t'en parlais, je pense à ça, on est vraiment chanceux en fait d'avoir énormément de temps à consacrer à ce projet-là, parce qu'on aurait le projet n'aurait jamais pu être aussi bien développé si on n'avait pas eu justement le soutien de tout le monde pour en fond travailler à temps plein sur le projet. Donc, c'est vraiment en s'y consacrant tout le temps, constamment, à tous les jours, en travaillant dessus, qu'on arrive seulement à avoir l'espèce de constance. Puis, en fond, comme une job normale, là, parce que tu vas travailler le matin, puis tu sais exactement où tu t'en vas dans ta journée, ben c'est un peu ça avec planche, là, plutôt que de le faire le soir chez nous en arrivant en étant fatigué, là. Et en même temps, là-dessus, Émilie Dagenais, vous avez eu un petit coup de pouce aussi pour vous aider à poursuivre à temps plein là-dessus, parce que tout récemment, vous avez eu un prix d'entrepreneuriat qui vous a été remis pour votre travail sur le magazine. Oui, on a reçu ça. Dans le fond, c'est... Attends un petit peu, j'allais voir le sorti qu'on a eu. C'est le concours entrepreneur en action qui était organisé par la CEDEC Rosemont-Petite-Patrie. Dans le fond, c'était une bourse pour féliciter notre travail dans la préparation puis toute l'exécution du projet au niveau surtout de l'organisation puis de l'administration. Donc nous, en fait, on est basé comme une économie sociale. Ça veut dire qu'on est un organisme à but non lucratif qui a et une mission financière, mais aussi une mission sociale. Donc, nous, dans notre cas, c'est faire la promotion des auteurs de bande dessinée québécois, puis en même temps de faire découvrir la bande dessinée aux lecteurs. Donc, ils trouvaient qu'en fait, notre mission économique, soit de vendre un produit, une revue, était vraiment bien développée, puis ça permettait de, ensuite, bien faire la mission sociale à côté. Donc, on nous a récompensé pour ça avec une bourse de 10 000 $. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'avec cet argent-là, on s'est versé un salaire pour et les mois qui viennent de passer et les mois à venir pour pouvoir justement survivre pendant qu'on fait la revue. Et en même temps, tout ça dans un contexte que j'en parlais tout juste avant l'entrevue, un contexte économique qui n'est pas nécessairement facile. 2014, qui, selon des études, a été une année extrêmement difficile pour le livre en général. Ça se vend moins, etc. La bande dessinée qui est en crise au niveau de la paupérisation des auteurs. Beaucoup de réflexions aussi qui sont lancées outre-mer là-dessus. J'imagine qu'on se dit des fois, OK, on l'a pas choisi facile comme moment pour se lancer dans un projet d'édition comme ça. Ben en fait c'est ça, moi c'est un petit peu dur à répondre comme truc. C'est sûr que c'est clair que le livre va vraiment pas bien, les achats, tout ça, c'est vraiment en chute libre. Sauf que nous, on n'a jamais connu d'âge d'or du livre, personnellement. Fait qu'on est arrivé là-dedans, puis c'est juste une situation qu'on a appris à vivre avec. Puis on n'a pas nécessairement non plus d'espoir de vente à 10 000 exemplaires non plus pour chaque numéro. Fait que c'est sûr que nous, on s'arrange avec ce qu'on a, puis on continue comme ça, là. Mais en même temps, on espère vraiment que il va y avoir plusieurs initiatives qui vont essayer à dynamiser ça, là, parce que c'est sûr que, personnellement, je pense pas qu'une société puisse vivre sans livre. Donc, je pense que c'est vraiment pas intéressant, mais important de dynamiser ça d'une manière ou d'une autre, là. Et j'ai l'impression que dans un contexte aussi de découverte de la bande dessinée, un magazine comme Planche, ce qui fait entre autres son intérêt, c'est la variété qu'on y trouve, dans la mesure où il y a plein de styles, il y a plein d'auteurs. Ça peut devenir un peu une porte d'entrée pour quelqu'un qui est intéressé par le médium, puis après ça, de voir un peu les différentes approches qu'on peut y trouver. Oui, absolument. Et justement, dans ce sens-là, peut-être, et en terminant, un petit regard, des petits clins d'œil à ce qu'on va trouver dans le contenu du numéro 2, du numéro 3. Dans le fond, dans le numéro 2, écoute, on retrouve, c'est sur toutes nos chroniques, donc chroniques politiques, bouffe, sciences, sexologie, histoire du Québec. D'ailleurs, ça, c'était notre première avec Michel Hellman. Donc, on a créé cette chronique-là dans le numéro 2. Mais après ça, on a des auteurs comme Richard Suicide, on a Vincent Gillard encore, Iris Écaton, Richard Valran. On a des nouveaux aussi comme Olivier Bisson et David Labrecque, eux qui ont été publiés dans le dernier Front froid aussi, qui sont très, très talentueux. On a Dupuis Perrault encore qui est revenu. Sinon, dans le numéro 3, écoute, on a encore quelques-uns aussi qui reviennent de temps en temps, comme Richard Valran puis JP. Mais on a aussi des nouveaux, comme on a une Ainoa, j'ai de la misère à prononcer son nom, mais qui a un style vraiment drôle, puis vraiment très coloré. On a Élise Lessueur, François Donatien aussi, qui était beaucoup, beaucoup dans la micro-édition, surtout de chez Colosse. Sinon, aussi, on a encore Iris Écaton, c'est sûr. On a Simon Labelle, qui a été connu surtout pour le suicide de la déesse. C'était chez Mécanique Générale. Donc, pas mal de monde intéressant. Et évidemment, on invite les gens à découvrir tout ça, donc soit en librairie, chez Libraire Indépendant, et j'imagine à Québec, c'est disponible. Écoute, moi, en fait, je m'en envoie ce soir. Fait que j'ai pas en tout, puis la librairie La Liberté, il va avoir des exemplaires de la revue. Excellent. Et sinon, évidemment, on peut s'abonner en allant sur le web. Oui, oui, voilà. Oui, c'est tout disponible sur notre boutique en ligne. Bien, Émilie Dagenais, merci beaucoup. Ben, merci à toi. Puis nous, on se dit à la prochaine, évidemment. Bye-bye. Salut bien. Voilà, Émilie Dagenais, donc je le rappelle, l'une des fondatrices du magazine Planche. Toujours la vie en BD. On porte un petit regard très, très bref. Simplement une petite mention sur la BD L'amour ferme les yeux de Lynn Oven. Une bande dessinée à structure quand même assez intéressante où Madame Oven nous amène à travers son histoire familiale. Donc, elle est l'enfant, dans le fond, d'un Allemand et d'une Américaine. Alors, quand même une histoire familiale qui est pas donné de manière très facile, si on peut dire, dans le contexte de la Deuxième Guerre mondiale et le reste, dans lequel justement son histoire familiale s'inscrit. Alors, elle nous raconte en 5 épisodes l'histoire qui a mené, d'une certaine façon, à elle, à sa naissance, mais à travers donc des moments charnières dans la vie ses grands-parents, dans la vie de ses parents, et ensuite, de manière générale, comme ça, on bâtit donc cette histoire-là. Alors, une structure qui est assez intéressante, originale, évidemment, quelque chose qu'on voit pas souvent. Une structure qui force aussi beaucoup d'action, beaucoup de proactivité, si on peut dire, de la part du lecteur qui doit justement composer, réunir, recomposer les épisodes, tisser les liens entre les uns et les autres, reconnaître aussi un peu les éléments, les personnages, le cadre familial dans lequel tout ça s'inscrit. Alors, ça devient une lecture qui est quand même assez active, qui est structurée de manière intéressante, mais en même temps qui amène peut-être un peu aussi son lot de confusion, dans la mesure où on est quand même aussi dans des éléments qui peuvent amener à se ressembler. Donc, si on n'est pas justement assez concentré, si on peut dire, sur la nature de la bête, eh bien, on va peut-être perdre un peu le fil. On se dit parfois, ben mon Dieu, j'aurais aimé poursuivre un peu avec ce personnage-là, j'aurais aimé savoir un peu plus d'informations sur tel élément, sur tel autre, surtout dans un contexte où chaque génération semble hantée par celle qui l'a précédée. Donc, il y a des pièces manquantes dans le puzzle qui nous amènent à les reconstituer par nous-mêmes, qui nous amène à avoir envie aussi, évidemment, de fouiller un peu pour les recomposer, dans un contexte où l'auteur elle-même n'a pas toutes ces pièces-là, et ce qui fait aussi, et ce qui me renvoie à l'intérêt de la structure qu'elle propose. Alors, donc, un récit qui nous amène à travers 5 récits qui fonctionnent individuellement, qu'on doit réunir nous-mêmes, qui, par contre, peuvent amener un peu de confusion, peuvent donner l'impression qu'on reste un peu à la surface aussi de plein de sujets qui pourraient être extrêmement intéressants, mais une BD quand même assez particulière. J'avais envie de lui faire un petit clin d'œil. Alors, c'est fait. Donc, ça s'appelle « L'amour ferme les yeux » de Lynn Oven. Donc, voilà. Alors, là-dessus, on prend une courte pause et au retour, on revient avec Joub et Nicobi. Fort du vif succès connu au moins multi en 2014, les artistes duo Mathieu Campagna et Myriane Rouillard nous convient à nouveau à leur performance Opium, une expérience musicale onirique aux frontières de l'inconscient. Étendu sur une couche ou dans un hamac et plongé dans la noirceur, le spectateur se laisse bercer par une œuvre musicale aux effets narcotiques et hallucinants. Du 23 au 25 avril, au studio d'essai de la coopérative Méduse, billets en vente sur le point de vente et à la porte. Informations mmrectoverso.org. Avec ses 19 bières de microbrasserie, le Sacrilège est depuis 1993 un endroit incontournable. En plus du cachet du lieu, une série de spectacles et d'événements culturels y sont offerts gratuitement. Ne manquez pas de venir 5 à 7 les jeudis et ainsi profiter des spectacles de musique offerts dans une ambiance intime. Country, blues, rock, rockabilly, jazz, folk, laissez-vous charmer par les talents du coin, mais également ceux de nombreux artistes de passage. Vous avez attrapé la fièvre du hockey? Venez entre amis encourager les Canadiens à gagner la Coupe Stanley. Au Café Urbain, une ambiance chaleureuse et enlevante vous attend sur place tous les jours. Avec ses 4 écrans géants, une table de billard gratuite et un super choix de musique, au Café Urbain, pas moyen de s'ennuyer. C'est votre anniversaire? On vous offre une consommation gratuite de votre choix. De plus, tous les derniers vendredis du mois, apprenez à danser le blues en compagnie de Simon Mercier, professeur et musicien. Venez voir nos spéciaux du jour au Café Urbain, 345 de la Couronne, coin du Roi. Consultez notre page Facebook. En avril, ne manquez pas les événements ponctuels du cinéma Le Clap. Le 1er avril, voyez Les Aventuriers Voyageurs de Montréal à Rio. Le 12 avril, le programme Kino Québec. Les 12 et 15 avril, l'Opéra de Paris présente Don Giovanni. Ce printemps, venez découvrir notre nouvel espace lounge, maintenant ouvert dans les aires du cinéma Le Clap. Découvrez aussi notre nouveau magazine électronique gratuit, disponible dès maintenant dans l'App Store de votre iPad. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca. 89.1